Chapitre 26. Dans un premier temps, Zélé avait cru que les habitants du continent Enrefe n'avaient pas été exploités par les mercenaires parce qu'ils étaient les ancêtres des sujets du roi Kouaïdo, restés sur place. Mais après discussion avec Larissé et les autres habitants, elle ne croyait plus en cette hypothèse. Nikéas était isolé de tout, abandonné à son sort par les Upléens. Les mercenaires auraient pu les exploiter sans rien craindre. Et si accord il y avait eu, il pouvait être brisé sans risque de représailles. L'héritière ne croyait pas les mercenaires capables de la moindre parole d'honneur. Il existait forcément une autre raison, une explication qui tenait la route. Et ce n'était pas auprès de ce peuple reclus qu'elle l'apprendrait. Puisque des vaisseaux marchands, emplis de Nikéens entiers ou en morceaux, ou de liquide amniotique de Bolbolko, quittaient la planète, c'était que les mercenaires répondaient à des commandes qu'ils échangeaient avec l'extérieur. Il fallait trouver l'endroit d'où se faisaient ces échanges. Certains des éleveurs avaient décrit leurs tâches quotidiennes, par quel biais ils recevaient des ordres et comment ils y répondaient. Quand le décisionnaire Gisor donna son accord pour que la technicienne de l'OMPC, Rourou Rouré Rourou Hoc, vint la rejoindre, il lui indiqua, en même temps, qu'elle retrouverait sa place au sein de l'état-major. Zélé pensa qu'il était temps, car bientôt Nikéas serait déclaré libéré. Il aurait été étrange que l'héritière ne fisse pas partie des sous-décisionnaires. Gisor lui annonça avec enthousiasme que le prototype de désactivation des électrodes était au point et qu'ils allaient pouvoir délivrer les Bolbolko. Zélé fut transportée de joie. Elle alla même serrer Goba dans ses bras, qui ne comprit pas cette allégresse soudaine, mais accueillit avec plaisir cette dose supplémentaire de tendresse. La technicienne ne débarqua sur le continent Enrefe que pour un très court laps de temps. En effet, Zélé l'emmena immédiatement en Uto, étudier les postes de communication des éleveurs. Rourou, j'aimerais savoir si... commença Zélé. Stop, je t'arrête de suite, Zélé. Chez nous, le diminutif est dans la deuxième partie du nom. Donc moi, tu m'appelles Rouréroc. Ah, pardon. Rouréroc. Il fut un temps, j'aurais eu le réflexe de vérifier les usages sur le Rézarque, mais je n'utilise aujourd'hui presque plus mon implant. En ce moment même, je l'utilise uniquement pour te comprendre, expliqua Zélé. Pas grave, c'est un choix intéressant. Peu sont ceux qui choisissent de s'en tenir à l'exercice cérébral plutôt que de céder à la facilité de la technologie. N'est-ce pas ? Zélé eut un petit rire gêné. Elle ne tenait pas à rentrer dans les détails et confiait qu'elle était de cela, justement, il y avait à peine 2 années upléennes. Alors, Rock, R'OK, une sorte de diminutif à l'upléenne ? Demanda Zélé. Non, Rock, R-O-C. Rien à voir avec le nom civil. Quand tu seras dans ton créneau d'accès à plus de tâches sur le Rézarque, tu chercheras l'origine. Expliqua Rouréroc. Rouréroc battit des oreilles pour signifier à Zélé que son secret était bien gardé avec elle. Elle connaissait l'addiction aux implants et les stratagèmes des cures de désintoxication. Seulement, Zélé remarqua à peine que ses oreilles avaient bougé et n'interpréta pas cela comme un message. D'ailleurs, Zélé, si j'en crois vos coutumes, Upléenne. Zélé, ce serait ton diminutif, plutôt. Quel est ton nom complet, si ce n'est pas indiscret? Je ne trouve pas l'information. Demanda Rouréroc. Avec mon statut d'héritière du trône, presque rien de ma vie n'est indiscret. Et mon nom, tout comme celui de toutes les reines Upléennes, est connu de tous. Mon nom et mon diminutif sont identiques. C'est plutôt singulier, je ne te le cache pas. Ta curiosité est-elle satisfaite? Demanda Zélé. Absolument. Reprenons. Que veux-tu que je cherche ? Enchaîna Rouréroc. J'aimerais savoir si les postes de communication des élevages sont reliés à un quartier général du continent Ayo, expliqua Zélé. Ils n'ont pas de quartier général ici ? S'étonna Rouréroc. Pas que nous sachions. Les éleveurs ne savent même pas eux-mêmes où se trouvait leur donneur d'ordre. D'accord, je te cherche ça, conclut Rouré Rock. Rouré Rock inspecta les antennes paraboliques des environs. Les rares satellites artificiels qui étaient en orbite autour de Nikéas avaient tous été détruits le jour de l'arrivée de la flotte de l'OMPC, mais leur position avait été enregistrée et toutes les antennes pointaient vers le même satellite. Malheureusement, il n'existait plus. On ne pouvait pas l'étudier pour en déduire vers quelles coordonnées du globe il renvoyait le message. Cette première étape était tout de même un bon indice pour Zélé, qui invita désormais Rouré Rock à revenir sur le continent Enraefe. À la tombée de la nuit, elles embarquèrent dans le vaisseau mis à disposition de Zélé et survolèrent la chaîne montagneuse, dite de Dieu, à la recherche d'un quelconque plateau où les fameux jeux dont parlait Larissé dans le carnet se déroulaient. Les habitants, malgré leur bon accueil évident, rechignaient à trop évoquer le déroulement des jeux et surtout leur emplacement dans leur montagne sacrée. Sûrement étaient-ils réticents à l'idée que des infidèles y missent les pieds. Par habitude des différentes superstitions, Rouré Rock suggéra que le lieu recherché devait être près du mont le plus élevé. Zélé positionna le vaisseau en vol stationnaire dans cette zone, et avec une vision de nuit, elle zooma sur le sol pour distinguer un quelconque sentier par lequel passeraient les pèlerins. Elle finit par le distinguer, il était très fin mais entretenu, et il débouchait sur un plateau proche du point culminant. Elle soupira presque de la grande prévisibilité de leur religion. L'appareil se posa sur le grand plateau dégagé. Quand le contact avec le sol se fit ressentir, par une secousse, Rouré Rock se décrispa. Elle s'était inquiétée dès leur décollage dans la nuit noire et sans aucune lumière pour ne pas risquer d'être vue. À cette altitude et en cette saison, la neige tapissait le sol, l'air était froid et le vent ne le rendait que plus piquant. Rouré Rock était protégée par son épaisse fourrure, alors que Zélé n'avait pas prévu de vêtements chauds et remonta vite à bord pour se réchauffer, laissant Rouré Rock faire son office. D'une manière ou d'une autre, c'est ici qu'ils viennent échanger avec leur divinité. J'en suis certaine que c'est ici que se fait la communication avec les mercenaires, ou leurs supérieurs plutôt, indiqua Zélé. Que veux-tu que je cherche exactement dans ces pierres? Demanda Rouré Rock. Je ne sais pas. Désolé Rouré Rock, je ne t'aide pas beaucoup. Cherche un signal, une trace d'émission. Et ce signal émettrait dans la même direction que les paraboles des élevages, supposa Zélé. Tu as l'air bien sûr de toi, fit remarquer Rouré Rock. Parce que je ne trouve de la logique que dans cette explication, et que je veux que ce soit ça. Qu'enfin on ait la preuve que leur dieu n'est qu'un écran de fumée, expliqua Zélé. Près des élevages, justement, j'avais les paraboles, c'était facile de capter leur signal, puisque je les voyais. Là, je ne vois pas d'antenne, indiqua Rouré Rock. Si tu es dépassé, je peux contacter mon ami Zoku. Il pourrait te guider, donner un avis, suggéra Zélé. Zoku, tu parles de Zokuzo Galayashku? Demanda Rouré Rock. Tu connais Zoku? S'étonna Zélé. Pourquoi ça te paraît si incroyable? Le Rézark est petit, tu sais, et tout à fait entre nous, pour le domaine qui nous intéresse. Tout ce qu'il en sait, c'est un peu moi qui le lui ai appris, précisa Rouré Rock. Le Rézark et la galaxie sont vraiment petits, en effet. Bon, tu m'avoues toi-même être qualifié. Tes conditions de travail ne sont pas aussi épouvantables que tu voudrais les prétendre, lui disait Zélé. Si je n'ai pas d'antenne pour me dire d'où part le signal, je dois créer un barrage pour l'intercepter, via un dôme magnétique. Mais l'amplitude que je peux générer est faible. Il va falloir que je procède par périmètre de 10 mètres. Ça va être long, indiqua Rouré Rock. Tu as toute la nuit, lui disait Zélé. À vos ordres, chef. Zélé, blotti dans le cockpit, regarda sa coéquipière à l'œuvre au travers de la vision de nuit nocturne du tableau de bord. Rouré Rock, installé à quelques mètres devant le vaisseau, régla ses instruments et se déplaça ensuite, répétant le même manège de périmètre invisible en périmètre invisible pour dénicher le signal d'une antenne dissimulée. Zélé piqua des narines un temps indéterminé et ce fut un cri de joie qui lui fit relever la tête. Ses yeux firent la mise au point de sur Rock, revenant vers le vaisseau d'un pas étrange, mélangeant le trot avec un petit déhanché. Alors, s'impatienta Zélé. Tu as raison, Zélé, sur toute la ligne. Un seul signal, net et précis, on ne peut pas se tromper, vers le même satellite, expliqua Rock. Merci, s'exclama Zélé. Qu'est-ce que ça change maintenant? Demanda Rock. Malheureusement, le satellite n'est plus là pour nous prouver qu'il redirigeait tout vers la forteresse des Aldorions, mais j'en suis sûre, dit Zélé. Mais qu'est-ce que ça change? Je suis allée dans cette forteresse, il n'y a rien, c'est désert. Les Aldorions ne cessent de parler de la source, mais il n'y a personne. Quand on leur demande de nous dire où se trouve la source, ils répondent qu'il est partout et voit tout. Tu parles d'une avancée, dit Rourirok. Ormain ne m'a jamais parlé de ça, s'indigna Zélé. Pourquoi l'aurait-il fait? Ça n'aide en rien, répondit Rourirok. Bien sûr que si, Dieu ou la source, qui voit tout et est partout, ça concorde, s'exclama Zélé. Non, mais je te le redis, hein, y a rien là-bas, reprit Rourirok. Je jugerai par moi-même. Merci, Rourirok, pour toute ton aide. Ta mission est terminée. Je te dépose au vaisseau mère, proposa Zélé. En route, chauffeur. Après un rapide passage sur le vaisseau mère, où Zélé s'était rendue dans la zone réservée au Bolbolco, elle retrouva des animaux au regard vif, habités par une âme. Ils étaient enfin eux-mêmes. Ils avaient adopté la couleur grise des parois de leur étable improvisée. Cela leur donnait un aspect étrange. C'était une couleur qu'elle n'avait jamais vue un Bolbolco arborer. Les équipes étaient actuellement sur le continent Oeds pour s'occuper des milliards de Bolbolco zombifiés. Zélé regrettait amèrement de ne pouvoir participer à cette mission de longue haleine. Mais maintenant qu'elle était sur une piste et que le compte à rebours du protectorat allait être déclenché, et le continent Enrefe n'était pas prêt de se rallier aux idéaux du comète, qui rejetait l'attachement à une divinité, elle devait dédier toute son énergie à étudier le mystère de Dieu et de la source. Près de 2 ans étaient passés depuis la dernière visite de Zélé sur le continent Aio. Quand elle marcha dans la forêt, elle se serait crue sur un autre monde. Les passages répétés au milieu de la végétation avaient formé des chemins et étaient plus nombreux, puisque les habitants étaient libres de circuler comme bon leur semblait désormais. Passés à proximité d'un village, se remarqua immédiatement. Là où tout était mort autrefois, il y avait de la musique, des exclamations et des rires. Les Nikéens ne se tairaient plus, ils ne se taisaient plus. Ils célébraient leur liberté, leur victoire, et n'allaient pas s'arrêter de sitôt. Plus profondément dans la végétation, loin des villages, les chants des animaux, eux, étaient restés les mêmes. Peut-être, remarquerait-il, que plus aucun chasseur ne venait les traquer et les abattre. Et alors peut-être leur comportement évoluera-t-il vers la confiance qui permet de vivre pleinement sa vie. Ormain avait donné rendez-vous à Zélé dans le village qu'ils avaient visité lors de leur premier passage sur Nikéas, en compagnie de Zoku et de Karoa. À ses côtés, Tadiasana attendait aussi l'héritière. Ils échangèrent quelques formules de politesse et parlèrent un peu de projets d'avenir. Finalement, ils la conduisirent à l'écart du village, dans un carré d'arbres où le sol était comme labouré, et des petites pierres, bleutées, encerclaient certains troncs. C'était le cimetière des otages et résistants morts dans ce secteur. Zélé resta immobile devant ces arbres et hocha de la tête, en croisant le regard d'Ormaïn avant d'avancer plus. Un peu plus loin, il y avait d'autres arbres décorés, de pierres au bleu plus ou moins passé. Il s'agissait des tombes des Nikéens tués par les mercenaires au temps de l'exploitation. Tadiasana leur pointa celle de Karoa. Nous avons trouvé son corps peu après que vous soyez partis. Elijodie a été si peinée. Quelques jours plus tard, on l'a retrouvée morte dans son lit. De chagrin à n'en pas douter. Alors nous l'avons enterrée à côté de lui. La gorge serrée, Zélé articula un timide. C'est bien. Avant de retomber dans son silence et de saisir la main d'Ormaïn. Autant pour y trouver un soutien que pour le réconforter. Après tout, il avait été son meilleur ami. Il l'avait élevé. Il avait été sa famille. Il devait le pleurer plus qu'elle. Zélé pleurait aussi Élie Jody. Ses souvenirs d'elle étaient malheureusement vagues, mais elle se rappelait de la voix rocailleuse et à la fois douce de cette vieille dame. Elle aurait tant aimé la revoir, qu'elle connût la libération de son monde. Le soir, tout le monde se retrouvait pour dîner ensemble, et Zélé se prêta au jeu. Elle goûta un peu de tous les plats pour faire honneur à ses hôtes. Elle mangea sans gêne, mais évita de lever la tête de son assiette. Elle pouvait fournir un effort jusqu'à une certaine limite. Les Nikéens du continent Inrefé étaient à mi-chemin entre le peuple d'Ormaïn et les Upléens. Le repas ne se faisait qu'entre personnes proches. Zélé se demanda comment ses concitoyens réagiraient à cet aspect culturel quand ils débarqueraient sur Nikéas. Même si le tourisme très éclectique de Zélaïdo les confrontait déjà à des comportements culturels très différents des leurs, leur réaction serait peut-être autre face à des mœurs éloignées chez des congénères. Ormaïn avait pris du poids depuis le début de sa mission. Il ne savait résister à tous ces plats appétissants, et la traque des mercenaires ou l'exploration de forteresses désertées ne suffisait pas à éliminer les calories accumulées chaque soir. « Quels sont tes plans, Zélé ?» demanda Ormaïn. « Je vais me rendre au quartier général, » expliqua Zélé. « D'accord, je t'y conduis demain. Vers quelle heure ?»« Non, Ormaïn, j'y vais cette nuit, » répondit Zélé. « Pitié, Zélé, j'ai trop mangé, je suis éreintée. »« Je ne vais pas tarder à me coucher, » lui répondit Ormaïn. « Je ne tiens pas à ce que tu m'accompagnes, je prévoyais d'y aller seule, » indiqua Zélé. « Et tu crois que tu y trouveras le miracle qui ouvrira les yeux au NRF1 ?» demanda Ormaïn. « Oui, mais j'ai abandonné l'espoir qu'ils aient embrassé nos idéaux d'ici la signature du protectorat, » s'attrista Zélé. « Que nous signerons sur Upléas, n'est-ce pas ?» demanda Ormaïn. « Tout à fait, cher représentant de Nikéas et futur signataire. Peu importe si je trouve ou non l'explication du dieu des NRF1 cette nuit, demain je reste ici à ne rien faire pendant que tu vaqueras tes occupations. Et demain soir, en route vers Upléas. » disait-elle. Ton monde ne m'a pas trop manqué. Il n'y a plus rien d'intéressant. Maintenant que les villageois et résistants sont réunis à la surface. » confia Ormaïn. Nous n'y resterons que le temps de la signature et de quelques politesses. Même pour moi, ma planète n'a plus rien d'attrayant, puisque Goba est ici, conclut Zélé. Sans les coordonnées géographiques, il n'était pas simple de dénicher la forteresse. Elle était en terrain accidenté, entourée de ravins et d'une végétation plus dense que celle autour des villages. Une fois tous ces massifs touffus passés, elle apparaissait dégagée, mais ne pouvait être aperçue de loin pour quiconque était au sol. Depuis le ciel, c'était autre chose. Zélé se posa dans la cour, les phares du vaisseau projetant son onde démesurée sur les remparts. Le bruit du moteur avait attiré des Aldorions qui s'étaient agglutinés dans l'encadrement des portes. Certains étaient effrayés, d'autres, plus gaillards, s'étaient avancés jusqu'à la rampe déroulée que Zélé descendait. Tous ces énormes yeux globuleux qui la fixaient firent sourire Zélé. Le comité d'accueil était à son goût. Où est la source? Leur demanda Zélé. Ormaïn l'avait prévenu que les Aldorions n'étaient pas particulièrement futés et qu'il fallait s'exprimer en phrases courtes pour espérer être compris correctement. Ils ne représentaient aucun danger, certains se montraient un peu trop collants parfois. Il fallait se montrer patient et les ignorer, car rien ne les faisait partir. À la question de Zélé, les Aldorions répondirent à l'unisson ce que Rour et Rock lui avaient dit, que la source est partout. Zélé était certaine qu'elle pouvait obtenir des informations d'eux. Qui est la source? Demanda Zélé. La source, c'est la source! S'exclamèrent les Aldorions en chœur. Zélé positiva, en se disant qu'elle ne pourrait pas obtenir de réponse plus vide de sens. Parlez-vous avec la source ? Leur demanda Zélé. La source devenue muette, répondirent-ils en chœur. Zélé sentit qu'elle avait marqué un point. Elle se concentra sur la question suivante, à leur adresser. Elle voulait que la réponse fût tout aussi fructueuse. Elle ne voulait pas un malencontreux retour à la case départ, ni les perdre. Où parlez-vous à la source ? Demanda-t-elle. Ils lui tournèrent immédiatement le dos et s'orientèrent dans la même direction. Zélé leur emboîta le pas, traînant des pieds derrière ces petites créatures dodelinantes. Les Aldorions s'engagèrent dans un escalier en colimaçon très étroit, mais assez large pour une Nifienne. La hauteur, par contre, laissait à désirer, et Zélé avança voûtée. L'escalier déboucha sur le plus haut niveau du donjon, et après une succession de portes, Zélé se retrouva dans la grande salle où trônait l'énorme cylindre qu'Ormaïn avait mentionné. « La source ?» demanda Zélé en pointant le cylindre. « Oui, source ! Oui, source ! Oui, source !» Les Aldorians semblaient tout à coup excités et ne cessaient de répéter en boucle cette formulation. Zélé les imita, se sentant bien stupide de prononcer une sorte d'incantation pour une divinité. « Ô source ! Ô source !» Mais dès qu'elle s'adressa ainsi, les Aldorians se turent. Zélé comprit qu'il l'avait corrigé. « C'est ainsi qu'on doit s'adresser à lui ? Il faut dire « Ô source !» Quelques Aldorians hochèrent de la tête, et ils fixèrent tous le cylindre d'un œil vif, rempli de l'espoir d'entendre la voix de leur maître retentir. Le cylindre, qui avait été vierge de tout signal lors des analyses de Rourérok, fit un léger bruit. Quelques diodes s'allumèrent et le système de refroidissement se mit en route. Que viens-tu faire ici, mon enfant? Tu es venu rencontrer ton dieu? Je ne suis pas ton enfant. Un instant, ma fille. Les Aldorians s'agitaient dans tous les sens. Le miracle s'était produit. Leur maître était de retour. À l'entrée de la pièce, la source activa la chute de plusieurs kilogrammes de friandises, et les créatures se précipitèrent pour picorer. Il y avait tant à manger qu'ils seraient gavés et iraient dormir après. Là, ils ne nous importuneront plus. Mon enfant, comme tu es belle. Tu es venue de Enrefe pour me voir. Comment m'as-tu trouvée? Je ne suis pas Enrefen, je suis Zélé, l'héritière du Pléas, dit sèchement Zélé. Aux sources, s'exclamèrent quelques Aldorians. Silence! S'énerva la source. Ne compte pas sur moi pour t'appeler par quelques sobriquets bigots ridicules, indiqua Zélé. Pléas, tu es la princesse? Oui. Mais tu es pléenne, ta peau. Le climat nikéen est une vraie cure de jouvence, tu me connais? Oui, je reconnais tes traits, bien sûr que je sais qui est la princesse Zélé. Tu es une figure publique. Je ne suis pas piégée ici entre ces parois de métal. Je voyage, je suis partout. J'ai accès aux arcs. Tu es éternelle? Tant qu'il y aura des circuits pour mes bergers, oui. Je pourrais te débrancher. Oui, tu pourrais, mais cette conversation se retrouverait écourtée. Et à vrai dire, ces circuits n'abritent qu'une des infinies copies de mon maître. Je te l'ai dit, je suis partout. Quand j'en ai l'occasion, je me synchronise avec mes autres moi, pour que nous sachions tous la même chose. Actuellement, il n'y a que le moi de ce cylindre qui sait que nous avons cette conversation. Et comme vous avez détruit les satellites en arrivant, je crains que ce moi demeure le seul. Si nous nous recroisons un jour, j'ignorerai tout de notre échange. Alors ne retiens pas, toute parole blessante sera oubliée. Tu étais présent quand le roi Kouaïdo a livré Nikéas? C'est à toi qu'il l'a livré, n'est-ce pas? C'est bien à moi. C'est moi qui ai recherché et trouvé Nikéas, rassemblé les premiers mercenaires, des investisseurs, pour croire en mon fabuleux projet. fabuleux projet de créer des élevages, des esclaves. Pour réaliser un rêve, il y a quelques concessions, princesse. Tu vois la situation à l'envers. Tu crois que ce qui m'intéresse, ce sont les races à viande et à esclaves, alors qu'ils sont les concessions. Je ne comprends pas. Et j'en suis très peiné. Pourquoi personne n'arrive-t-il donc à me comprendre ? J'aime les Niphiens. Oh oui, je vous aime tant. Vous êtes si beau et si gracile. Quand j'ai découvert ton espèce, j'ai eu un coup de foudre. Je devais vous posséder et développer tout votre potentiel pour vous faire atteindre la perfection. Je suis parti de la souche avec les meilleurs critères. Évidemment, les autres étaient inutiles. Les races des continents Ayo et Yuto n'avaient aucun intérêt. Trop petits, trop rustiques. Il reste de belles créatures, ne te méprends pas, mais rien à voir avec l'élégance naturelle des NRF1. Il restait néanmoins du travail, bien sûr, et heureusement je suis entré en scène pour vous améliorer et vous façonner. Mais c'est un travail très délicat, à cause de votre génétique capricieuse qui empêche la consanguinité. Oh oui, comme cela a été dur, un casse-tête effroyable et en même temps, quel défi merveilleux à relever. Zélée s'était assise depuis longtemps sur le sol. Elle avait peur de s'évanouir. Les murs étaient trop éloignés pour s'appuyer contre. Il était hors de question qu'elle touchât le cylindre. Elle essayait de suivre le récit, mais avait tant de mal à croire ce que la source lui racontait qu'elle n'avait pas l'impression que ce fût la réalité. Le picorage des Aldorions lui rappelait qu'elle était consciente. Elle était face à un savant fou, un psychopathe qui mélangeait la génétique d'individus comme un peintre l'aurait fait avec les nuances de sa palette. Où est le rapport avec les élevages ? Je te l'ai dit, ce n'est qu'une broutille, une concession. Ce n'est pas le sujet qui nous importe. Aussi, il est là le sujet qui m'importe. Quelle concession peut générer la création d'élevages, où des individus sont entassés par milliers dans des bâtiments ? Où les enfants sont arrachés à leur mère ? Où ils sont dopés pour grandir et engraisser plus vite ? Où ils sont abattus et découpés en morceaux pour servir de nourriture ? Quelle concession demande cela ? Tu n'as pas l'âme d'une éleveuse, je te le garantis. La reine Swalwe ? Heureusement que je me suis occupé de vous, sinon les NRF1. Quel est le rapport ? Bien, quelle capricieuse tu es. Recruter des mercenaires, débarquer avec des vaisseaux et prendre possession d'une planète habitée, ça a un coût. Et je n'avais pas d'argent, alors j'ai soumis mon projet à des investisseurs qui ont voulu trouver un moyen de tirer profit de la situation rapidement, plutôt que d'attendre plusieurs millénaires que ma race d'élite soit prête. Alors nous avons conclu le marché suivant. Ils finançaient toute l'invasion et me laissaient créer ma race de Niphiens à l'esthétique parfaite, à condition qu'ils puissent en parallèle exploiter les autres races pour des domaines moins pointus, mais très lucratifs, comme l'alimentation et le service, tout simplement. Rien de bien passionnant, tu vois. Zélée ne ressentait plus son corps, sa tête flottait dans l'air, et ses fentes auditives étaient transpercées de ces mots anodins, si immondes une fois assemblés dans pareil ordre. Son corps était pourtant bien là. Elle ignorait simplement sa position. Le corps de Zélée offrait le spectacle d'une bête exténuée. Elle reposait sur une hanche, les jambes légèrement pliées, le tronc penché, retenu par ses bras tendus et ses mains posées au sol. Un liquide réchauffait ses doigts. Tâchait sa bouche et goûtait encore de son menton. Elle avait eu un haut-le-cœur sans le remarquer. Les NRF1 devaient faire l'objet d'un commerce, également. Mais je n'ai pas pu achever mon œuvre. Ce maudit comète anarchiste y a mis fin. J'aurais pu offrir à la haute société des autres mondes des êtres exceptionnels et raffinés, qui les auraient magnifiquement divertis. Tu es superbe, princesse Zélée. Je te croirai extrait du continent NRF. Et qu'attends-tu pour les vendre ? Zélée eut toutes les peines du monde à articuler sa question. Je suis un perfectionniste. Les NRF actuels sont pour ainsi dire achevés. Ils ont le maintien si svelte et l'air si noble. Ce sont les coloris qui ne me satisfont pas encore. Pour les mâles, c'est peine perdue. Leur génétique ne permet que les yeux jaunes. Ce sont les femelles qui offrent le plus de possibilités. Bleu, vert, violet. Et tout cela dans différents dégradés. Les yeux mariés au cuir, c'est sublime. Sauf qu'il manque le rose. En théorie, c'est possible, mais très délicat à obtenir. J'en ai déjà obtenu, mais elles n'ont pas tenu le coup. Elles sont mortes en bas âge. Les parents voulaient les amener au sommet de la montagne, pour qu'un miracle se produise. Je ne pouvais rien, et si elles étaient faibles maintenant, elles auraient donné des reproductrices médiocres. Et puis, un jour, des parents m'ont apporté leur petite. C'était une enfant en parfaite santé. Elle avait quelques années, les yeux d'un rose prononcé et le cuir plus pâle. De grands yeux en amande, quelle merveille! L'espoir renaissait, je sentais que je touchais au but. Et l'année où elle devait venir à moi, me montrer ses talents et sa beauté, elle n'est pas venue. Ce n'est pas vieux, c'était il y a une quinzaine d'années. Mon rêve envolé au moment où je touchais au but. Zélie avait renoncé à comprendre. Elle écoutait, et c'était tout. Il n'y avait rien à comprendre à la vision d'un malade. Quel rôle ont les bolbolco dans cette histoire? Pareil que pour la viande et les esclaves, mes investisseurs ont trouvé ce marché. Tu as dit que des parents venaient te voir sur la montagne. Alors tu leur parles? Non, jamais. C'est ça qui est fascinant. Je leur ai donné mes consignes, peu après la désertion de Kohaido. Elles sont devenues des textes sacrés, et ils interprètent n'importe quelle forme de rocher dans la montagne ou bruit du vent comme un signe de moi. Ils ont construit leur propre mythologie et leur culte tout seuls. Je ne fais que les regarder et les écouter. Je n'ai même pas besoin d'intervenir. N'est-ce pas fantastique? Ton règne est terminé. Bientôt, ils cracheront sur ton sommet, et tu seras oublié dans quelques générations. Zélé se relevait en titubant. Je suis la raison et le but de leur existence. Qu'importe que je leur parle ou reste muet, jamais ils ne me renieront. Ils vivent pour moi. Tu pourrais les amener ici, je pourrais m'adresser à eux. Tu pourrais démonter ce cylindre, vis par vis. Ça n'ébranlerait pas leur foi. C'est plus rassurant de suivre des règles insensées que d'affronter la réalité. Penser plutôt que de prier, ça c'est l'idéologie du comète. Peut-être en êtes-vous là sur Eubléas, mais sur Nikias, ce n'est pas près de se produire. Zélé se précipita hors de la pièce, sautant par-dessus les Aldorions endormis au sol, dévala le colimaçon, aussi vite que sa hauteur lui permettait, et récupéra à bord du vaisseau toutes les armes disponibles. Il n'y avait rien de bien puissant. Le plus efficace aurait été les lasers extérieurs du vaisseau, mais elle ne pouvait faire feu sur le donjon sans tuer les Aldorions. Elle revint dans la grande salle. La source ne dit rien. Il aurait ri s'il avait pu, puisque l'acte qu'elle s'apprêtait à commettre était dénué de sens, totalement inutile. C'était un acte égoïste, un pur défouloir. Avant de lancer l'offensive, elle chassa la dizaine d'Aldorions hors des lieux et referma la grosse porte. Elle brûla d'abord les tuyaux de ventilation. Si elle échouait à détruire ce cylindre, au moins les circuits n'auraient plus rien pour se refroidir et crameraient d'eux-mêmes. L'héritière passa ensuite le reste de la nuit à tester chaque arme, pour venir à bout de la coque, puis des circuits, quand un éclatement lui permit de se faufiler à l'intérieur. Peut-être la source était à mille et un endroits dans la galaxie, mais au moins, à présent, il n'était plus sur Nikias. Cependant, le problème, en NRFA, n'était pas résolu. Zélé savait que la source avait dit vrai. Les fidèles n'allaient pas renoncer à leur idole si facilement. Elle disposerait du temps du protectorat pour se montrer plus forte que la source.